كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالكفارة، الكفارة للذي يجامع أهله عمدا في رمضان. فما هي الكفارة؟ الذي يجامع أهله يقع في الجماع، فماذا عليه؟ celui qui a des rapports في نهار رمضان volontairement. On précise volontairement لأنه تقدم معنا الناس، celui qui oublie. Et quand on dit oublier les rapports، قد يقول قائل، et c'est vrai que ça peut être بعيد أنه il oublie. Lakin c'est pas il oublie de faire les rapports là, c'est qu'il fasse les rapports volontairement, lakin il oublie que c'est Ramadan. Et hada ça arrive khasatan au début du shahr. Kanahu il a pas l'habitude. Et rubama yujami' ahlahu volontairement bien sûr, lakin il se rappelle plus ou il oublie qu'on est fait Ramadan. C'est comme celui qui mange, il a pas oublié de manger fil haqiqa, il mange volontairement. لكن l'oubli c'est par rapport au shahr. فلينتبه لهذا. أما volontairement فماذا عليه؟ ها؟ قبل ذلك كما في الحديث أحسنت، هل تجد رقبة تعتقها؟ فهذا أولا affranchir libérer un esclave. On a dit هذا يصعب في هذا الزمن. ثم سي بابا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. دونك سي اي بابا ليبر ان اسكلاف اي جون دو موا كونسيكوتيف. سي اي بابا جون اي دو موا كونسيكوتيفمون نعم، فهل تجد إطعام 60 مسكينا نغير 60 pauvres. فهذا أو هذه هي الكفارة لمن وقع في الجماع في نهار رمضان. نعم، on a fait une précision sur les deux mois. ما هي؟ تفضل. أحسنت، il faut que ça soit deux mois consécutifs. Celui qui coupe et qui ne jeûne pas deux mois consécutifs, ماذا عليه ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il continue ou il refait ? Il s'arrête et reprend. نعم, il s'arrête et il reprend depuis le début. لماذا ? لأن التتبع أي le fait de ne pas couper, de le faire consécutivement, c'est un شرط, c'est une condition. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala في كفارة الظهار il a conditionné أنه سي كونسيكوتيف شهرين متتابعين. اي دون نوت حديث، حديث ابي هريره كذلك. سوف بور سولوي كي اون اكسكوز، مثل من؟ نعم، مثل المراه الحائض. هذه لا اون اكسكوز، لان سي اون شوز ناتورال، اي سيت شوز فورسيمون او بلوتو ان جينيرال سا فيان تو لي موا شي لا فام. اي لا كونديسيون دو جون سي دو موا consécutif. هذه لا une excuse. على القول bien sûr ان la femme elle est concernée par la kafara. Et on a vu qu'il y a un khilaf بين اهل العلم. كذلك من اهل الاعذار اي ceux qui sont excusés de ne pas faire les deux mois consécutifs, ils peuvent avoir une excuse. مثل من؟ نعم، المريض. S'il est malade, un مرض شديد, il peut pas continuer le siyam. فيأكل ويشرب ويتعالج ثم يرحل au moment où il s'est arrêté. S'il avait fait un mois et demi مثلا فهي continue la à partir du mois et demi fini les deux mois. Est-ce que safar c'est une excuse؟ تفضل. Oui, c'est une excuse parce que certains qui se disent qu'on va partir en voyage. Ahsan. Amma ceux qui disent, ou qui pensent, qui prétendent, annahum, s'ils voyagent, ça va couper les deux mois consécutifs, thumma ils reprennent. S'ils ont cette niya, et pour annuler les deux mois, ou pour faire une pause, fahaoula, as-safar, la yajouzou lahum, yanna, c'est une hila, ils ont une mauvaise intention, et kadhalik, s'ils mangent, ils annulent les deux mois. Amma, si c'est un safar, daroura, et c'est une daroura pour lui, fahaoula, la yukallifullahu nafsan la wuz'aha, il voyage, thumma il reprend. Aïe, il continue les deux mois, il reprend pas depuis le début. هذا on a lu كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه c'est un كلام مفيد أما ما يتعلق بالإطعام est-ce qu'on a cité cette مسألة لكن on la cite الآن est-ce que التتابع c'est un شرط il doit les nourrir 60 consécutivement الجواب لا لأن في الدليل il n'y a pas النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas cité cette condition قال فهل تجد الطعام 60 مسكينا قال لا donc nourrir 60 pauvres tu les nourris comme tu peux c'est pas forcément un pauvre par jour ou 60 pauvres d'un coup là قال ابن قدامة رحمه الله عليه ولا يجب التتابع في الاطعام نص عليه احمد وذلك لان الله تعالى لم يشترط التتابع فيه et c'est ça le صحيح نعم الله سبحانه وتعالى il a pas cité التتابع de nourrir consécutivement, l'un après l'autre. Là. Donc l'importance de revenir aux preuves. Allah subhanahu wa ta'ala et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cité At-tatabu' fi al-siyam, fa naqul bil tatabu' amma fi al-at'am, fala. Amma al-miqtar, ay, qu'est-ce qu'il doit donner à ces pauvres, ma'adha qulna? Un sa'a. Sa'a, na'am, ba'dahum yaqul un sa'a. Et on avait dit al-sahih, c'est que ça revient au urf. Aïe, ahamshay, c'est de nourrir ce pauvre. Ikhtalafa, on avait dit le fuqaha fi taqdir, minhum man qaddarahu bil mud, aïe, un mud pour chaque miskin, wa minhum man qaddarahu bil sa'. Et ils ont beaucoup d'aqwal al-fuqaha fi hada, wa sahih annahu la hadda lah. ويجب عليه أن يشبعهم وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام لتيمية رحمة الله عليه هذا كلام شيخ محمد بن حزام في فتح في إتحاف الأنام إلى إكسبليكي ست مسألة إلى رجح لقول دو شيخ الإسلام إسه الراجح إن شاء الله الشيخ بن عثيمين كذلك يرجح هذا القول إلى شوات القول شيخ الإسلام فقال في شرح الممتع ولكن ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره أي يوبوزي أو il a posé la question في الشرح الممتع est-ce que c'est محدد بطعام معين الشيخ ابن عثيمين l'a démontré أنه que ça soit des dattes que ça soit du rose du riz ou autre l'essentiel c'est de le nourrir كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام 60 مسكينا وأما المقدار أي لا كونتيتي فلم يقدرها ما فلم يقدر هنا ما يعطى نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقدر كم أما في القصة لأن بعضهم ils sont basés sur la قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu un sac avec du tombe et il a dit à ce pauvre est-ce que tu peux nourrir des pauvres avec ce sac de dattes فالرجل قال il a démontré à النبي صلى الله عليه وسلم qu'il n'y a pas une personne plus pauvre que lui فالنبي صلى الله عليه وسلم lui a dit تصدق بها على أهلك فبعض العلماء vu que la quantité de ce sac c'était 60 mout ils ont dit un mout par miskin en se basant sur le hadith لكن الذي يظهر c'est que l'essentiel c'est de nourrir les pauvres النبي صلى الله عليه وسلم il a donné ce sac à ce pauvre لأن il a reçu ce sac وإلا l'essentiel c'est de les nourrir إطعام 60 مسكينا قال شيخ ابن عثيمين وما يحصل به الإطعام نعم ما يحصل به الإطعام l'essentiel c'est qu'il mange ويشبع وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقير 30 فقير pourquoi قد يقول قائل الكفارة ستين لكن أنس رضي الله عنه il nourrissait un pauvre par jour لأنه il arrivait plus à faire صيام رمضان. فقصة أنس c'est pas في الكفارة. قصة أنس c'est في أنه رضي الله عنه il atteint un âge avancé, il pouvait plus faire صيام, donc il nourrissait un pauvre par jour. 30 jours de رمضان il nourrissait 30 pauvres. ستأتي هذه المسألة في القضاء. قال يجمع 30 فقير فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما. أخرجه الإمام الدارقطني وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. Donc on a ce أثر عن أنس أنه ينورسي 30 بوف avec du pain et الأدم أدما أي comme du مرق comme une sauce. أهم شيء اللي faisait manger. Il faisait manger 30 pauvres. Et c'est ça, al-Sahiyah. قال الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. Donc, si il leur offre إما الغداء أي le repas du midi أو العشاء le repas du soir أهم شيء il les fait manger حتى يشبعون et par rapport à la nourriture qui est موجوده dans certains بلدs. Ça va être du riz, des dattes. Dans d'autres, ça sera autre chose. Aham shay, c'est qu'il mange. C'est ça, le qawl al-sahih fi al-it'am. Raji' qawl Jamal al-Taymin fi sharh al-mumti'. Kadhalik, raji' kalam Sheikh al-Islam fi al-fatawa fi umdat sharh umdat al-fiqh. Fa ila fassal rahmatullah alayhi. Wal yawm nabda ma yata'allaq bi ahadith al-safar. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أو قبل ذلك قال باب الصوم في السفر وغيره. Donc c'est un chapitre في السفر. فنقرأ الأحاديث. Il a cité 5 أحاديث في ما يتعلق بالسفر. On lit les 5 حديث ثم ندرس المسائل qui sont liées avec ces ahadith أي ما يتعلق بالسفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر. Une question. Il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que je fais الصيام في السفر. وكان كثير الصيام. Ça c'est le qawl al-rawi. Il démontre que Hamza ibn Amr al-Aslami, radiyallahu anhu, il faisait beaucoup al-siyam. Enfin, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux jeûner fi safar? Qala sallallahu alayhi wa sallam, in shi'ta fa sum, wa in shi'ta fa aftir. Donc, il lui a donné le choix. Al-hadith, il est fi sahihayn. Et hadha al-lafd, c'est l'afd al-imam al-Bukhari. Deuxième hadith, وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. Donc le deuxième hadith, hadith Anas, أنهم à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils jeûnaient pendant le safar et ceux qui faisaient le siyam ils critiquaient pas ceux qui ne le faisaient pas et l'inverse. Ça montre كذلك ce hadith le choix. Et c'est permis de faire le siyam et c'est permis de ne pas le faire pour al-musafir, le voyageur. Troisième hadith عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. Ce hadith الآن il y a un détail, il y a une précision. أنهم ils ont voyagé avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam لكن il faisait très chaud. Et on va voir que par rapport à la difficulté il y aura un حكم. فلهذا في الحديث on va voir que كثير منهم ils ont pas fait le siyam. Ça montre que en siyam في السفر c'est permis لكن par rapport à la difficulté celui qui peut pas il le fait pas. قال رضي الله عنه حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. Tellement qu'il faisait chaud, ils mettaient leurs mains au-dessus de leur tête, et pour se protéger du soleil. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ. Donc personne n'a fait le siyam sauf Rasulullah صلى الله عليه وسلم et Abdullah ibn Rawaha. Ça montre que celui qui a la capacité, celui qui peut, c'est pas difficile pour lui, فَلَهُ الصِّيَامُ. Il peut jeûner, il a le droit de jeûner. تَنْبِيه, précision par rapport à ce hadith, le hadith qu'on a lu dans عُمْدَةَ الْأَحْكَامِ فِيهِ نَعَمْ شَهْرُ رَمَضَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. Cette lafza, شهر رمضان, أخرجها الإمام مسلم ولم يخرجها البخاري. أما صاحب عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي قال رواه البخاري ومسلم. أما قوله في شهر رمضان, ça c'est que في صحيح مسلم, c'est pas في صحيح البخاري. وإنما عنده بدلها, أي الإمام البخاري, في بعض أسفاره, وهي عند مسلم أيضا في رواية. Donc الإمام البخاري à la place de في شهر رمضان, في شهر رمضان dans la رواية qu'il a cité, في بعض أسفاره, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وقد حكم الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة على لفظة في رمضان بالشذوذ من أربعة أوجه. الإمام الألباني dans son livre الصحيحة il a démontré أن لفظة في شهر رمضان للشاذة, أي لم تثبت, elle n'est pas صحيحة. الصحيح c'est رواية الإمام البخاري في بعض أسفاره, donc elle est شاذة عند الإمام الألباني. وقال رحمة الله عليه, أي الشيخ الألباني, وقد أوهم الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام حيث أورد الحديث, إلى سيتي النميرو دو حديث, وقال الحديث برقم, إلى سيتي النميرو دو حديث, بلفظ مسلم بهذه الزيادة أنها من المتفق عليها بين الشيخين. نعم, هذا سينتبه أن لفظة في شهر رمضان اللي عند الإمام مسلم فقط, اللي با عند الإمام البخاري, بعض الأئمة ils ont démontré أنها شادة, أي اللي با صحيحة. الصحيح c'est في بعض أسفاره, أي dans certains voyages, c'est pas précisé رمضان comme il a démontré الإمام الألباني. ثم حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه, أي ils se sont précipités vers cet homme et il y avait une foule autour de lui. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا, قالوا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé qu'est-ce qui se passe, ils lui ont dit هذا الرجل il fait le siyam et il a perdu connaissance. قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر, ça fait pas partie de l'bir, ça fait pas partie de la piété, de taqwa, de faire le siyam في السفر. لكن vous avez remarqué pourquoi le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit هذا, لأن هذا الرجل il a perdu connaissance. أما les autres ahadith, فالنبي صلى الله عليه وسلم lui-même il le faisait. عبد الله بن رواحة il l'a fait. أنس بن مالك il rapporte أنهم certains ils le faisaient et d'autres ils le faisaient pas, et personne critiquait l'autre. Donc il faut bien mettre le hadith dans son contexte pour comprendre les masaïl qu'on va citer plus tard. Wa li muslim ay fi riwaya li muslim alaykum bi rukhsati Allah allati rakhasa lakum. Dernier hadith عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. Ça, ça montre أن à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم on a plusieurs روايات في الصحيحين وفي غيرها أن certains صحابة ils faisaient le siyam et d'autres ils ne le faisaient pas. Ça montre أن الأمر فيه سعة, celui qui veut jeûner il jeûne, celui qui veut profiter de la rukhsa, et أنه s'est permis de ne pas jeûner, il ne jeûne pas. On va voir c'est quoi l'afdal dans une mas'ala, on va essayer de détailler. أما من حيث الجواز, les hadiths, ils sont clairs, annahu c'est permis. Aïe, de manger ou de jeûner. Qala Anas fa nazalna manzilan fi yawmin har. Aïe, ils se sont arrêtés et c'était un jour, il faisait très chaud. Wa aktharuna dhillan sahibu al-kisa. Faminna man yattaqi ash-shams bi yadihi. Aïe, ils se protégeaient du soleil avec leurs mains. Qala fa saqata as-suwam. وفي رواية الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر أي ceux qui faisaient pas siyam ils se sont occupés de tout أي la pause qu'ils ont fait pendant le safar ils se sont occupés ils ont donné de l'eau aux bêtes etc. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر. أي ceux qui n'ont pas fait le siyam, ils ont pris l'ajr. لماذا؟ لأنهم ils ont fait des choses que ceux qui faisaient le siyam, ils n'ont pas fait. À cause de la fatigue, ils se sont reposés. Enfin, ça montre, ce hadith il montre que أحيانا il y a une مصلحة et l'afdal c'est de délaisser. كما في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé les sahaba de ne pas faire le siyam pendant le jihad. لأنهم ils ont des choses à faire plus importantes. Et ils ont besoin de force. Donc, fi hadha al-hal, ils jeûnent pas. Donc, il faut bien regarder le masalih et le mafasid. Et c'est pour ça que dans ce cas, al-muftir, il a eu un ajr que sa'im, il n'a pas eu. Al-hadith, il est vi al-sahihay. Donc, on conclut de tous ces hadiths, anna al-musafir yajouzu lahu al-iftar. كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc ça montre que celui qui est malade ou على سفر il rattrape les jours qu'il a manqué. Donc il a le droit de ne pas jeûner. Et les hadiths ils sont clairs. Que ça soit un voyage long ou court, que ça soit un voyage t'as des difficultés, amla. لأن الله سبحانه وتعالى قال على سفر. Tant que tu es musafir, tu as le droit de profiter de cette rukhsa. Et hadith Anas, annahum, ils ne critiquaient pas ceux qui faisaient al-siyam, et ceux qui faisaient al-siyam, ils ne critiquaient pas ceux qui ne le faisaient pas. Qala al-imam ibn Qudama, rahmatullah alayhi, fil mughni, ajma' al-muslimun ala ibahat al-fitr lil-musafir fil jumla. L'unanimité, annahum, c'est permis de manger pour le musafir. Fil jumla, en général, et il y a des choses où il y a des khilafs, des masa'il, wa illa fil jumla, fa ijma' al muslimin ala dhalik. Et on a cité un verset du Coran, on a cité l'ijma' de Ibn Qudama, kadhalik l'imam al-Nawawi l'a cité, l'ijma' et les hadiths qu'on a lu fil bab. Hadith Aisha, hadith Anas, bal Anas il a deux hadiths, hadith Abi Darda et hadith Jabir ibn Abdullah. Mas'ala, est-ce que cette rukhsa et cette facilité de pouvoir manger, ne pas faire siyam pendant le voyage, est-ce que c'est réservé à ceux qui font un voyage ou qu'il n'y a pas de ma'asi? Aïe, on peut formuler la question autrement. Hal tashmal al-rukhsa safar al-ma'asi? Est-ce que celui qui fait un safar pour le ma'asi, comme ils font certains muslimin, hadan Allahu wa iyyahum, il voyage pour faire des ma'asi dans certains pays. Est-ce que s'il voyage pendant Ramadan, est-ce qu'il a le droit de profiter de la rukhsa malgré que sa niya et son but c'est le ma'asi? Ou il ne profite pas, il est obligé de faire siyam. Al-ulama akhtalafu fi hada. Ba'd al-ulama ils ont dit c'est pas permis. Et il doit jeûner. Pourquoi? Parce que cette rukhsa, c'est pour ceux qui ils voyagent et ils désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'd al-ulama, ils ont dit là, ça englobe tout le monde. Li'an Allah subhanahu wa ta'ala qala aw 'ala safar. Donc ça englobe al-musafir. Tous ceux qui voyagent. Et c'est le qawl sahih. Annahu ça englobe tous les voyages. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الحجة مع هذا أو مع من جعل القصر والفطر فطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر. نعم سيسا الصحيح أنه tant qu'il est voyageur il peut profiter des rukhas, c'est-à-dire raccourcir la salat, rassembler entre deux salat, al-duhur ma'a al-asr ou al-asr ma'a al-duhur, al-maghrib avec l'isha ou l'isha avec le maghrib, et le fajr il reste à son heure. Et les salats de 4 rak'at, il peut les faire 2 rak'at. Bel, as-sunnah, c'est de les faire 2 rak'at. Et al-maghrib, ça reste 3, et le fajr, ça reste 2. Kadhalik, si on est en période de Ramadan, il a le droit de ne pas faire as-siyam. Kadhalik, que ce soit un safar court ou long, il y a une difficulté ou il n'y a pas de difficulté. Il fait chaud ou il ne fait pas chaud. Hada. Bon, les ulama, ils ont dit, tous les ahkams du safar s'englobent tous les safars. Et c'est le qawl al-sahih. Qala al-imam ibn Taymiyyah wa hadha al-qawl huwa al-sahih. Fa inna al-kitab wa al-sunnah qad atlaqa al-safar. Qala ta'ala faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Donc, pour préciser ou pour spécifier ce safar, il faut un délit. Celui qui dit là, lakin un safar court, tu peux pas. On lui dit, hat al dalil. Allah subhanahu wa ta'ala qal aw ala safar. Ou celui qui dit là, lakin il fait une ma'asiyah dans son safar. Ou il est parti pour faire telle chose. On lui dit, il est moussafir. Et ça veut pas dire que ceux qu'ils ont choisi ce qawl, comme Cheikh l'Islam, le Taymiyyah et autres, annahum, ils appuient. Ils appuient ceux qui font des ma'asiyah. Abadan. Là, lakin, c'est un hukm shar'i. On n'a pas le droit de légiférer une chose fidin illa sans délit. Et ayn al-dalil pour différencier ce safar d'un autre. La fi dalil. Qal Cheikh l'Islam, wa lam yunqal ahadun 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu rakhasa safaran dun safar ma'a 'ilmihi bi anna as-safar yakun haraman wa mubahan. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par le wahy. Et il sait très bien que certains ils vont faire as-safar pour une ta'a, que ce soit al-umrah ou autre, al-hajj. D'autres ils vont faire as-safar pour quelque chose de mubah, travailler ou autre. D'autres kadalik c'est pour les liens de parenté, c'est une ta'a. Et d'autres c'est pour des ma'asi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas précisé. Donc on reste sur la généralité. C'est aqrab. Qala Cheikh al-Islam. ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بين هذا من الواجبات. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il aurait montré sur une différence. ولو بين ذلك لنقلته الأمة. Et si le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'aurait montré, الصحابة il l'aurait propagé et الأئمة il l'aurait cité et ça nous serait parvenu. لكن il n'y a rien de tout ça. Donc on reste sur l'asl أنه un safar il y a les ahkams du safar. قال رحمه الله وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. نعم الصحابة ils ont jamais différencié. في القرآن il n'y a pas de différence. السنة كذلك. فأون رست sur هذا الأصل. ces كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام كثير من أهل العلم. et c'est الصواب. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجراء فهذا هو الصواب لأن الأدلة الأخرى لم تفرق بين سفر وسفر ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. Un كلام قوي de l'imam Shawkani. Il montre que l'adilla, il n'y a aucune différence. C'est un safar, en général. Et celui qui prétend l'inverse, avec que c'est un safar réservé pour un genre de voyage et pas un autre, que ce soit la longueur ou la difficulté, ou c'est un voyage pour un ma'asi ou autre, فعليه بالدليل. Il doit nous citer la preuve. C'est قول شيخ الإسلام ورحمة الله عليه. Et c'est madhab. الإمام أبي حنيفة سين رواية عن الإمام مالك الإمام الثوري والأوزاعي كذلك إذن شوازي هذا القول ونا سيتي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى شوازي سقول الشيخ بن باز كثير من العلماء رحمة الله عليهم جميعا. نطخ مسألة qui est lié, celui qui voyage et sa niya, c'est de délaisser le siyam. on en a déjà parlé. On en a parlé au début du dars. Aïe, sa niya, on avait cité pour le kafar, annahu, il voyage, et sa niya, c'est d'interrompre les deux mois. Faire une pause. Thumma, il continue. On a dit, hada, hadi, c'est une hila, muharram. La yajouz al-hiyal fi dinillah. Aïe, de faire une chose pour éviter quelque chose de mashrou'a, ou pour faire un haram. Comme ils ont fait al-yahoud. Al-yahoud, alayhim la'natullah, ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il leur a interdit de pécher yawm al-sabt, haram alayhim biwuduh, c'était interdit yawm al-sabt qui pêche. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient les filets de pêche le vendredi et les récupéraient le dimanche. Hila. Al-haqiqa, ils ont pêché yawm al-sabt. Amahum, ils ont dit là. Il pose le vendredi et il récupère le dimanche. Et il dit samedi, nous, on n'était pas là. Ça, c'est une hila. Nous, là, il y a juste. On ne t'achabbe avec eux. Ba'aduhum, arubbama yat'ab, ou il ne veut pas faire le siyam, et il fait une hila. Il voyage. Thumma, il dit, là, je ne jeûne pas, les annahu, je suis en voyage. Là, est-ce que tu avais l'intention de voyager? Si tu as l'intention de voyager pour quelque chose de mauvais, ou pour une ta'a, n'aim. Amma, voyager que pour annuler al-siyam ou ne pas faire al-siyam, fahada, qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, al-siyam fi al-asl wajib, ala al-insan, bal huwa fardun wa ruknun min arkan al-islam, ma'ruf. Tu dois déjà, en tant que musulman, donner de l'importance à ce char. Wa man yu'azzim sha'air Allah, fa innaha min taqwa al-qulub. Donc, on doit donner de l'importance à notre din et à ces shara'i' sha'air 'azima. Thumma qala Ibn Uthaymeen kama huwa ma'lum wa ash-shay' al-wajib fi ash-shar' la yajuz lil insan an yaf'al hila li yusqitahu 'an nafsihi. Na'am, on n'a pas le droit de faire quelque chose pour annuler une hila. Une hila, ça veut dire que tu utilises quelque chose pour éviter une autre. Mitla l'Yahoud, leur hila. Ils ont posé les filets le vendredi et les ont récupérés le dimanche. Pour éviter, soi-disant, de tomber dans l'interdiction. C'est une forme de ruse. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, faman safara min ajli an yuftir kana safar haraman alayhi. Wa kana al-fitr kadhalik haraman alayhi. Celui, son intention, c'est de délaisser le siyam. Il y a une différence avec la mas'ala qu'on a citée précédemment. Aïe, ba'duhum, ils voyagent, ce qu'ils appellent du tourisme, et ils font des muharramat. Mathalan, fi hadha al-hal, il n'a pas voyagé pour éviter as-siyam. Là, il a voyagé, les annahu, peut-être qu'il avait des vacances à ce moment, et c'est des vacances, fiha des mukhalafat. Fi hadha al-hal, on ne peut pas dire là, il n'a pas le droit de ne pas jeûner. Là, les annahu, les hadiths et le verset sont am, ça englobe tous les mukhalafat. Là, son intention, elle est siya. Le but, c'est de ne pas faire siya. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, son voyage, il est haram. C'est pour éviter une obligation. Et il n'a pas le droit de manger. Il est obligé de faire siya. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, « Fayajib alayhi an yatoub ila Allah azza wa jal wa an yarji an safari. » Il est obligé de faire tawba kadhalik. Il est tombé fi haram. Kadhalik, il est obligé de revenir de ce voyage, s'il a voyagé. Il revient. Léana, il n'avait aucune intention de voyager. Il est obligé de revenir et faire le siyam avec le muslimin. Qala fa in lam yardi' wajaba alayhi an yasum law kana musafir. Et s'il ne revient pas, il dit là, Anna, je ne peux pas revenir, je suis en voyage. Fa la yajuz lahu an yasum. Il n'est pas autorisé, la yajuz lahu an yuftir. Il n'est pas autorisé de manger, boire, etc. Il est obligé de faire le siyam. Pourquoi? Parce qu'on est fait Ramadan. Hada huwa al qawl al sahih. كلام طيب من الإمام العثيمين رحمة الله عليه. بقي المسافة أي la distance. Quand est-ce que tu es considéré voyageur? Et في الحقيقة cette مسألة elle englobe الصيام أي est-ce qu'on a le droit de ne pas jeûner. كذلك elle englobe الصلاة. Est-ce qu'on peut raccourcir الصلاة et rassembler les صلاة. Donc il y a une distance. Ou plutôt, quand est-ce que tu es considéré voyageur? Il y a un khilaf, c'est-à-dire, il y a un khilaf, al-hafidh Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, il a cité plusieurs aqwal fil fath. Beaucoup d'aqwal fi hada. Et on peut, nous résumer avec deux avis. Al-Imam Malik, rahmatullah alayhi, wa hakada al-Imam Shafi'i et Ahmed, al-Imam. Donc, les quatre imams sauf al-Imam Abu Hanifa, yaqulun anna al-masafa c'est yawmayn. قاصدين بسير الإبل والأقدام. Donc c'est l'équivalence de deux jours à pied, la distance de deux jours à pied ou sur un chameau, et ça donne environ 16 farsakhan. Ça c'est une mesure qu'ils avaient à l'époque, al farsakh. On va voir que ça donne à peu près 80 km. قال ابن قدامة رحمه الله عليه في المغني مذهب ابي عبد الله اي الامام احمد ان القصر لا يجوز في اقل من 16 فرسخا. Donc minimum c'est 16 فرسخ, ce qui donne à peu près 80 km عند الامام احمد. قال والفرسخ ثلاثة اميال فيكون 48 milan. Donc ça donne 48 milles. Aïe, c'est la mesure qui est connue. Il a le mile. 48. On va voir qu'en kilomètres, ça donne à peu près 80. Il y en a al mil hada ou wahed, ça donne à peu près 1,5 km, 1,6 km. Ça va donner à peu près 80 km. Wa qad qaddarahu ibn Abbas radiyallahu anhuma faqal min usfan ila Mecca. ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة. نعم, c'est à peu près cette distance, à peu près autour de 80 km. فعلى هذا تكون مسافة القصر كذلك الإفطار. Donc pour pouvoir profiter des rukhas du safar, et raccourcir le salat, rassembler les 12 salats, manger pour celui qui fait le siyam, يومين قاصدين وهذا قول ابن عباس وابن عمر وابن عمر وإليه ذهب مالك والليث والشافعي. انتهى كلام ابن قدامة. Donc c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed et d'autres. Ibn Qudama rahmatullah alayhi, il n'a pas choisi cet avis, il a choisi l'autre. لكن هنا il rapporte فقط. ثم il a كلام طويل يرجح. قال شيخ ابن عثيمين rahmatullah alayhi في فتاوى أركان الإسلام المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو 83 كيلومتر 83 كيلومتر. في شرح الممتع رحمة الله عليه قال 81 كيلومتر 81 كيلومتر. Donc autour de 80 كيلومتر. قال شيخ ابن عثيمين وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ 80 كيلومتر. Et certains savants, et c'est le deuxième avis, certains imams, on va voir, mettre le Cheikh l'Islam le Taymiyyah, et à notre époque, l'imam al-Albani, il a nusra hada al-qawl bi quwwa, anna la distance c'est par rapport au urf. Al-urf c'est quoi? C'est ce qui est connu indannas. Ce qui est connu indannas, que c'est un voyage, même si c'est 30 kilomètres, c'est un voyage. Et ce qui est connu, c'est pas un voyage, même si c'est plus, c'est pas un voyage. Enfin, ça revient à Urfunnas. Et ça, c'est ma'rouf. Dès que tu vas dans un pays, les gens, ils savent quand est-ce qu'ils sont en voyage, ils se préparent pour le voyage, et quand est-ce qu'ils sont pas en voyage. Alors, ça, c'est le deuxième avis. قال الشيخ ابن عثيمين وما قال الناس عنه إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ 100 كيلومتر. Même si c'est 100 kilomètres, et عند الناس, c'est connu, c'est pas un voyage, enfin, c'est pas un voyage. Alain, tu as des villes avec la banlieue autour, des grosses agglomérations. Farobama, d'un bout à un autre, c'est des dizaines de kilomètres. Faindana, ce n'est pas considéré comme safar. Et Ahyanan, tu as une distance d'un village à un autre, ou d'une ville à un autre, et elle est probablement plus courte. Et Indana, c'est considéré comme voyage. قال شيخ ابن عثيمين وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة بجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة نعم دونك سا سي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة ils ont pas حدد ils ont pas cité un nombre de kilomètres une distance précise. Ça, ça montre que quand tu as un love fi le Coran, al-Karim, ou fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas muhaddad, tu reviens à la langue arabe et au urf. La langue arabe, c'est connu, un safar. Amma la distance, dans la définition, dans les dictionnaires de langue arabe, ulama al-arabiya, l'ura, ils n'ont pas cité une distance précise. Kadhalik fi le Coran, al-Karim, ou fi sunnah, tu n'as pas une distance précise. Il te reste ce qu'on appelle al-urf, ce qui est connu عند الناس. C'est exactement la même chose في إطعام المساكين qu'on a vu auparavant. Al-it'am, c'est de nourrir. C'est connu dans la langue arabe, c'est nourrir. Et في القرآن الكريم et في السنة, on n'a pas quelque chose de muhaddad, quelque chose de précis. Donc, tu reviens au urf. Dans ton pays, si, مثلاً, il faut pour le nourrir telle chose, telle quantité et tel aliment, enfin tu lui donnes. Hatta il mange, hatta yashba. On n'a pas quelque chose de précis, on revient au urf. Fahakada fi mas'alati as-safar. On revient au urf. Et c'est le qawl as-sahih. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi majmou' al-fatawa, as-safar mutlaq fi al-kitab wa as-sunnah. Falaysa كلمة ما هي واضحة كأنه يخص بسفر دون سفر نعم قال لا بقصر ولا بفطر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زمان ولا مكان نعم on n'a pas un دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم il a spécifié ce سفر أي il a démontré que pour que ce soit un سفر il faut tant de kilomètres Et en dessous de ces kilomètres, c'est plus un safar. On n'a pas hada. Donc, قال شيخ الإسلام الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده. نعم, c'est ça le واجب. Le واجب, c'est qu'on reste avec الدليل. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète صلى الله عليه وسلم, ils n'ont pas قيد, ils n'ont pas précisé. Tant que c'est un voyage, on peut ne pas jeûner. Et la distance, c'est par rapport au urf. Et في الحقيقة الآن كثير من الناس ils sont à la hada. كثير من الناس ils regardent plus les kilomètres. Est-ce que j'ai dépassé 80 kilomètres là? كثير من الناس s'ils sont en voyage, ils sont en voyage. Et s'ils sont pas en voyage, ils n'ont pas les ahkam مختصة بالمسافر. بقية est-ce que الأفضل c'est الصيام أم لا? فالعلماء اختلفوا في هذا. فمن الأئمة من قال الفطر il est أفضل. Donc, manger c'est afdal. Et tu profites de rukhsa. Et ça c'est marwi an ibn Abbas ou ibn Umar. Et c'est qawl Sa'id ibn al-Musayyib, ou l'imam al-Sha'bi ou l'Auza'i, ou l'imam Ahmed, ou Ishaq et d'autres. Hujjatuhum, c'est qawl Allah azza wa jal, yuridu Allah bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Donc, indahum, le mieux c'est de profiter de la rukhsa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, le mieux c'est de profiter. Donc pour eux, al-afdal c'est l'iftar, ala kulli hal. Le mieux c'est que tu manges, même si c'est pas, même s'il n'y a pas de difficulté. Même si c'est un safar très court, tu manges. كذلك, ihtadju bi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, laysa min al-bir al-siyam fi al-safar. Donc ils ont démontré al-afdal c'est de manger. كذلك, hadith ibn Umar, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, inna allaha yuhib أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. Donc Allah سبحانه وتعالى il aime qu'on profite des facilités qu'il nous a données. الحديث أخرجه الإمام أحمد et السند إلى ثابت. Un autre قول أن الصوم c'est أفضل. Bien sûr pour celui qui a la capacité. ولم يشق عليه. Et ça c'est قول جمهور أهل العلم et c'est صحيح. Donc, pour eux, al-afdal c'est as-siyam. Pourquoi? Parce que tu es dans une période qu'il faut jeûner, aslan. Lakin, si tu peux pas, ou si c'est difficile, ou si tu as besoin de force, mettre le cas des mujahidin, fi sabilillah, ou wahed matalan, il a un travail, il a besoin de bouger, il a besoin de beaucoup de choses, il fait chaud, etc. Ça fait hadal hal. Il n'y a aucun doute que l'afdal, c'est l'iftar. Donc, s'il n'y a pas de difficulté, le mieux, c'est l'asfiyah. Ça, c'est qu'au jumhur, ahl al-ilm, et c'est qu'au l'abi Hanifa, qu'au l'imam Malik, qu'au l'imam al-Shafi'i. Et ils se sont basés sur les hadiths qu'on a vus dans notre chapitre. Hadith Aisha, fi qissat Hamza ibn Amr, al-Aslami, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a donné le choix. ثم des autres ahadith أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il a vu cette personne qui a perdu connaissance il a dit ليس من البر الصيام في السفر. Ça montre que c'est pas bien de jeûner s'il y a une difficulté. Je comprends من الحديث que s'il n'y a pas de difficulté c'est أفضل. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait الصيام. عبد الله بن رواحة كذلك il a fait الصيام. كذلك on a des adilles âmes. قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. Et précipitez-vous à faire le bien. كذلك وسارعوا الى مغفرة من ربكم. Aussi, il faut savoir faire le siyam pendant Ramadan avec les musulmans, c'est plus simple. Mais si tu voyages une semaine, tu as la capacité de jeûner, il n'y a aucune difficulté, et tu manges, rattraper cette semaine, ça peut être difficile. Tu peux repousser. T'es tout seul, c'est pas comme quand tu fais siyam avec al muslimin. Kadhalik, tu pourras profiter si tu as fait ton siyam même en étant voyageur, tu pourras profiter si tu es motivé au lieu de rattraper des jours de faire siyam an-nafl. Lundi et jeudi ou trois jours par mois, tu auras plus de force pour faire an-nafila et tu seras ala khayr. Ala kulli hal kama fi hadith Anas, celui qui jeûne, on le critique pas et celui qui mange, on le critique pas. الأمر إلي واسع pour le مسافر لكن ستمسألة من حيث الأفضل أما تولي أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر أو لا conseiller de ne pas jeûner c'est pour la مشقة comme on a vu dans les hadiths il faisait chaud etc. Une autre مسألة par rapport au سفر si il commence السفر إذا بدأ بالسفر وأفطر ثم عاقه عائق فرجع فلا كفارة عليه أو فهل عليه كفارة وقضاء مثلا si il voyage مثلا نحن دابا أو الآن on sort on est Ramadan et on voyage donc on prend la route et une annulation et on fait demi-tour est-ce que في هذا الحال on a mangé نحن parce qu'on était voyageur on avait commencé la route et on a mangé et on revient. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية والمصر أي il sort de cet endroit de cette ville أي il est considéré comme voyageur فنزل فأكل مثلا on s'est arrêté dans un restaurant et on a mangé ثم عاقه عائق ثم مثلا on reçoit un coup de fil il faut qu'on revienne. Il s'est passé telle chose. Donc on n'est plus voyageur si on revient. قال الإمام ابن عبد البر ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه كفارة. نعم. لم تلزمه كفارة. Il n'y a aucune كفارة في هذا. Est-ce qu'il rattrape? نعم. S'il n'a pas jeûné, il rattrape. لكن est-ce qu'il est آثم ou il est considéré ne pas avoir jeûné ou لا? لأنه il avait un عذر. لكن على كل حال il rattrape. لأن le voyageur il rattrape. Si tu ne jeûnes pas et tu as voyagé, tu rattrapes. Est-ce que celui qui va voyager, est-ce qu'il met niya et la nuit qui ne va pas jeûner? قال الإمام ابن عبد البر واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له تبييت الفطر. Et ça c'est important. Pourquoi? أولاً, tu dois comprendre la sourate. مثلا on va voyager demain. Cette nuit, al-ittifaq, al-ijma', qu'on n'a pas besoin de mettre un niya, qu'on ne va pas jeûner. Pourquoi? Awalan, tu ne sais pas, est-ce que tu vas voyager, amla? Tu peux avoir tu peux avoir un empêchement. Enfin, tu laisses ta niya, et si tu voyages et tu manges, le fait que tu as mangé, c'est que tu n'as pas fait le siyam. Donc tu n'as pas besoin de niya. قال الإمام بن عبد البر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية. Pour safar, t'as pas besoin de niya. النية c'est pour un amal. Tu vas faire le siyam, tu vas faire le hajj, tu vas faire le salat. T'as besoin d'une niya. أما pour safar, t'as pas besoin de niya. لأن safar c'est un fi'l. Si tu le fais, tu peux profiter des rukhas. Aller manger, rassembler la salat, raccourcir la salat, etc. قال وإنما يكون مسافرا بالنهوض في سفره أو الأخذ في أهبته وليست النية في السفر كالنية في الإقامة. C'est pas pareil. النية في السفر الإقامة. Pourquoi? قال لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين. لأن المسافر si il met la niya qu'il est مقيم, il devient مقيم. لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. الإقامة t'as pas besoin de faire عمل. الإقامة c'est t'es dans un endroit. Tu sais que tu n'es plus voyageur, ta niya, tu n'es plus voyageur. Donc tu ne peux plus profiter des rukhas pour le voyageur. Amma al-musafir, fala. Donc on n'a pas besoin de had. Si tu sais que tu vas voyager, si tu voyages, alhamdulillah, tu profiteras des rukhas. Si tu ne voyages pas, tu restes sur l'asl que tu es sa'im. Hada, c'est un tanbih tayyib de l'imam Ibn Abdel Barr, rahmatullah alayhi, dans son livre Al-Istithkar. Et كذلك l'imam Al-Qurtubi, dans son tafsir, il a mitl hadha al-qawl. Si al-musafir nawa bis-sawm, musafir il est en voyage et il fait siyam. Thumma, il veut manger en plein milieu de la journée. Matalan, il a décidé. Fait al-haqiqa, on a dit t'as pas besoin de niya, la niya du siyam il y est toujours. Donc il fait siyam. Matalan, aujourd'hui nous on voyage et c'est Ramadan, on fait siyam. On décide de faire siyam comme d'habitude. Thumma, au milieu de la journée, après dhuhr, on décide de manger. Il y en a, on a le droit, on est musafir. Est-ce que c'est permis? Il y en a, au départ, il n'avait pas cette intention. C'est permis. Il peut couper son siyam. Pourquoi? Il a cette rukhsa. Et hujjatuhum, c'est hadith ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu kharaja ila Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, kharaja ila Mecca fi Ramadan, فصام حتى بلغ الكديد فافطر. C'est un endroit. Donc le Nabi sallam il faisait le siyam, quand il arrivait à cet endroit, il a mangé, il a rompu son jeûne. فافطر الناس, tout le monde a rompu. Al hadith il est fi as-sahihay. Al qawl athani, c'est que c'est pas permis. Si il a commencé la journée avec le siyam, sa niya c'était de jeûner, il n'a pas le droit de le couper. Et ça c'est un wajh fi madhhab al-Shafi'i. Et l'imam Malik yaqoul idha aftara fa alayhi al-qada wa al-kaffara. L'imam Malik dit si il mange fa alayhi al-qada wa al-kaffara, et hada c'est al-qawl al-awwal, c'est sahih. Al-sawab donc c'est al-qawl al-awwal. Vu qu'il est en voyage, s'il a le droit, il a le droit de couper al-siyam tant qu'il est en voyage, même s'il a commencé la journée en étant sa'im. Idha aftara al-musafir, فَلَهُ فِعْ الْجَمِيعْ مَا يُنَافِ الصِّيَامِ. Ça, il faut le savoir. Anna, si tu es en voyage, tu as le droit de manger, de boire, et celui qui est marié d'avoir des rapports, etc. C'est comme si tu n'étais pas sa'im. Donc tu as le droit de faire tout ce que le tout ce que celui qui ne fait pas siyam, il fait. Bien sûr, tant que c'est min al-halal. قال ابن قدامة رحمة الله عليه ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره لأن حرمتها بالصوم. Et ces choses, c'est interdit si t'es considéré comme sa'im. Amma, si t'es pas considéré comme sa'im, même si c'est fait shahr et ramadan, t'as le droit. C'est pour ça que le malade, il a le droit de manger, boire, s'il est marié, il a le droit d'avoir des rapports, etc. قَالَ فَتَزُولْ بِزَوَالِهِ كَمَا لَوْ زَالَ بِمَجِئِ اللَّيْلِ. نعم. C'est comme la nuit. T'as le droit de manger, boire, celui qui est marié, d'avoir des rapports avec sa femme, etc. فَهَكَدَ الْمُسَافِرِ. Une autre mas'ala, celui qui voyage, ثم, il rentre. Mathalan, on a voyagé aujourd'hui, et après dhuhr, on rentre. On arrive chez nous, on n'est plus voyageur. Est-ce qu'il peut manger, boire, et le reste de la journée? Il y en a, il n'est plus voyageur. Il y a plusieurs avis. Al-qawl al-awwal, c'est qu'il a le droit. Il a le droit d'avoir des rapports avec sa femme, il a le droit de manger et boire le reste de la journée. Et il est arrivé chez lui, il n'est plus voyageur. Il y en a la moitié de la journée, il n'a pas fait siyam. Est-ce qu'on va lui dire l'autre moitié, tu dois jeûner? Al-Qawl Awulla. Ja'a an Jabir ibn Zayd annahu qadima min safarihi fi Ramadan, fawajada mra'atahu qad tahurat fa'asabaha. Jabir ibn Zayd, il est revenu d'un voyage et sa femme, elle jeûnait pas kadalik, elle était en état de haïd, et au milieu de la journée, tahurat. Donc elle s'est lavée, et il a eu des rapports avec elle. Les deux, ça montre un cas où tu peux avoir des rapports avec ta femme finahar Ramadan et vous n'êtes pas voyageur. C'est que Rajul revient d'un voyage et la femme elle est en état de haïd et elle se purifie au milieu de la journée. Donc maintenant, si après l'Asr ils ont des rapports, fala shay alayhim. Hada c'est le premier qawl. C'est qawl l'imam Malik, qawl l'imam al-Thawri, qawl l'imam al-Shafi'i, ibn al-Mundhir, kadalik il a choisi hada qawl. Al-qawl al-thani, yumsikan an sa'il al-muftirat fi baqiyat yawmihima. Donc, si il revient du voyage, yumsik, il ne mange pas. Et il rattrape ce jour. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه كذلك الإمام الأوزاعي لا choisi هذا القول. الراجح c'est le قول الأول والله أعلم. Pourquoi on lui ordonnerait de faire siyam une partie de la journée et il rattrape un jour. Donc en réalité il a fait une partie de journée en plus. بأي دليل هذا. Donc ça montre que الراجح c'est le قول الأول والله أعلم. انظر Misk al-Khitam, Sharh Amdat al-Ahkam, il a cité toutes les masaïl qu'on vient de lire. Hada ma yata'allaq bi al-Safar. On a essayé de résumer et Inch'Allah ta'ala, le prochain dars, on citera Baqiyat Ahl al-A'dar. Léanna al-Musafir, il a une rukhsa, c'est permis, qui ne jeûne pas. Et il y a d'autres catégories de personnes kadhalik, comme le malade, comme une personne d'un âge avancé, etc. Al-Ha'id bien sûr, Al-Nufasa, Al-Hamil, Al-Murdi', la femme enceinte, la femme qui allait, tout ça Inch'Allah dans le prochain dors on essaiera de résumer Al-Ahkam, thumma on lira Hadith Aisha fil Qada. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa s-sadad. Subhanak lahum hamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.